qui illumine. Je pense qu'on devrait le souligner. C'est pas une décision qu'on a prise sous les nerfs. Je ne trouve plus les mots pour décrire la rancœur et la peine que j'ai. Regarde, tout devient fou. Nous deux, c'est fini, c'est fini. Nous deux, c'est fini, c'est fini. Regarde dans mes yeux, tu peux le lire. En dépit de tout ce qu'on s'était dit. وهتكسب ايه لو لحظة استسلمت لحزنك وضعفت الشمس بتغرب عادي وتشرق تاني في نفس الوقت امبارح اسمه امبارح واحنا يا صاحبي ولاد دلوقت انا كنت بخاف كده زيك بس مع الوقت اتجرأت Je ne trouve plus les mots pour décrire la rancœur et la peine que j'ai. Regarde, tout devient fou. Nous deux, c'est fini, c'est fini. Nous deux, c'est fini, c'est fini. Regarde dans mes yeux, tu peux le lire. En dépit de tout ce qu'on s'était dit. Et des sacrifices, des années, des bons anéantis. Alors qu'on se le dise, on sait que plus cette nuit, c'est fini. ما تاخدهاش قوي على صدرك وما تستسلمش ولا تنخ هتعيش تندم على الماضي يبقى خلاص كده شكرا بنا